Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, la longue descente aux enfers d'un duo politico-mondain très symbolique de ce que furent les années 80 et 90, Pierre Botton et Michel Noir. L'un est un petit aménageur de pharmacie devenu Golden Boy et ami des stars. L'autre est promis une carrière politique brillante. Mais tout déraille. Tout se délite à cause de la folie des grandeurs de l'un, de l'aveuglement de l'autre et d'une histoire de gros sous et de petits calculs. Se pencher sur l'histoire de Pierre Botton et de Michel Noir, c'est un peu comme ouvrir des poupées russes. D'un procès découle le suivant et ainsi de suite, une litanie qui s'arrête en 2003 pour l'ancien maire de Lyon mais qui semble sans fin pour Pierre Botton. Noir, Botton, deux noms liés à jamais contre leur volonté, deux histoires imbriquées sur le plan familial et des affaires, une trame romanesque qui aura marqué les années 80 et 90 avec à la clé l'un des scandales les plus emblématiques en matière de financement des campagnes électorales et des partis. Notre invité aujourd'hui, Philippe Courroy, juge d'instruction à l'époque de l'affaire Noir-Botton, aujourd'hui avocat général à la Cour d'appel de Paris. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Marjolaine Corr, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay et Lauriane Toulmont. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Pour gagner, il faut faire preuve d'un bel élan. Avec son physique de deuxième ligne, Michel Noir devient le premier maire gaulliste de Lyon. Il met fin à près d'un siècle de radicalisme et de centrisme dans cette ville. 9 secteurs sur 9 ont voté pour lui, ce qui le met en position de force et dans sa ville et dans son parti. Dimanche 19 mars 1989. Il ne le sait pas, mais Michel Noir vient d'atteindre le sommet de sa carrière politique. Député, ancien ministre, voilà qu'il décroche enfin la ville qu'il convoitait depuis des années, Lyon. Michel Noir fait partie de la garde montante du RPR, de cette nouvelle génération dite « morale ». Alors, obsédé comme d'habitude en France par la présidentielle, on entrevoit un avenir présidentiel pour ce grand bonhomme de presque 2 mètres, à qui tout semble réussir. Pourtant, à peine élu, Michel Noir va trébucher sans vraiment s'en rendre compte. C'est son gendre qui amorce la chute. Pierre Botton, le financier, le directeur de campagne, qui claque mystérieusement la porte au lendemain de la victoire. Étrange viatique pour Michel Noir. Une fascination réciproque liait pourtant les deux hommes depuis des années. Leurs chemins se croisent dans un salon en 1982. Pierre Botton est derrière le stand bleu-blanc-rouge de sa société d'aménagement de pharmacie. Michel Noir lui serre des mains. L'entente est immédiate, l'admiration mutuelle. Michel Noir, malheureux en affaires, garde le souvenir cuisant de l'époque où il a tenté de lancer la sienne, laissant une ardoise de plus de 800 000 francs. Pierre Botton, lui, à 27 ans, vient tout juste d'être nommé directeur de la société familiale. Et il voit grand. Il rêve de jouer un rôle dans les coulisses du pouvoir, qu'il soit politique, médiatique. Tel un papillon, toutes les lumières attirent Botton. C'est dans ce contexte que l'ambitieux cavalier blanc va entrer dans l'intimité des Noirs, car il peut offrir à cette famille nombreuse, toujours à court d'argent, un train de vie qu'elle n'aurait jamais pu espérer. Des voyages au soleil, à Istanbul, Rio, New York ou Venise. Un coup de pouce de ci, de là. Pierre Botton n'est plus seulement l'ami, il devient le confident. Puis, quelques années plus tard, le gendre, comme ça c'est complet. En 1987, en effet, il épouse l'aînée des 6 enfants noirs, Anne-Valérie. Entre-temps, sa fortune s'est étoffée, tout comme ses relations. Et Michel Noir peut bien évidemment compter sur lui pour le financement de ses campagnes électorales. Qui est Pierre Botton? La question n'est pas anodine, personne ne semble pouvoir y répondre, peut-être pas lui-même. Aucune étiquette ne colle à lui très longtemps. Le rachat de la société Boisson lui permet d'élargir sa clientèle de pharmaciens dont il fait des actionnaires de sociétés financières. Ses activités immobilières l'amènent à Cannes, où il bâtit une villa nécessaire à sa conception des relations publiques. Mais il reste implanté à Lyon, où il tente une OPA sur l'OL à l'automne 91. Politique, finance, football, Pierre Botton serait-il le tapis lyonnais? Ami de ses amis, faiseur de maire, monsieur gendre, aiguillon politique, homme d'affaires, tapis lyonnais. Pierre Botton a eu beaucoup d'étiquettes, trop sans doute. En 1985, l'homme aux multiples facettes ne connaît encore aucun déboire. On dit de lui qu'il a une boulimie d'argent. Propriétaire d'un splendide hôtel particulier de plus de 1000 mètres carrés au cœur de Lyon, d'une villa à Cannes, d'un luxueux appartement au Trocadéro à Paris. Il a côtoyé Coluche, il est ami avec Patrick Poivre d'Arvor, Yves Mourouzi est le témoin de son mariage, et il offre à tour de bras des voyages à ses précieux amis, et surtout, il ouvre les portes médiatiques à son futur beau-père. Sacré coup de pouce dans une carrière politique. Michel Noir, lui, est un véritable héritier des canuts de la Croix-Rousse. Né en 1944, fils d'un déporté gaulliste revenu en sale état du camp de Mauthausen, il a connu des débuts beaucoup moins bourgeois que son gendre. Député depuis 1978, il prépare sa campagne de réélection en 86. L'argent manque, mais heureusement, Pierre Botton est là. Il fournit une Mercedes 500 flambant neuve, un garde du corps. Son futur beau-père remporte la bataille électorale haut la main. En mars 86, c'est en effet la droite qui rafle ses élections législatives. Pour François Mitterrand, l'heure de l'alternance a sonné. Jacques Chirac prend la tête de ce nouveau gouvernement RPR et confie le ministère du Commerce extérieur à Michel Noir. Quand le jeune ministre s'installe sous les ors de la République, il amène dans ses valises un certain Pierre Botton. Bien sûr, son gendre n'aura pas de poste officiel, ses activités lui suffisent. Et pourtant, il se dit qu'il passe plusieurs fois par jour qu'à Branly et qu'il organise pratiquement tous les déjeuners et les dîners du ministre. Plus tard, dans les journaux, les membres du cabinet raconteront à quel point c'est un homme d'une présence intriguée, se glissant non seulement à la table du ministre, mais aussi à celle des négociations. C'est vrai que pour Michel Noir, Pierre Botton se plie en quatre. Non seulement il lui fait bénéficier de son entregent, mais en plus, il lui organise les séances de média training pour exercer son beau-père devant les caméras. C'est que bientôt, Noir va se lancer dans une nouvelle bataille électorale, les municipales, dans sa ville natale, Lyon. Et il sait qu'un âpre combat l'attend pour s'imposer face au maire sortant Francisque Collomb, soutenu par l'UDF et Raymond Barre. Mais Michel Noir arrive avec deux atouts majeurs, l'appui du RPR et de Jacques Chirac et des entrées dans les plus grands médias français. Pour lancer la campagne, Pierre Botton déroule le tapis rouge et offre à son protégé un passage aux 20h du TF1. Michel Noir, vous êtes avec nous. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être présenté comme un diviseur, puisque c'est le premier gros accroc à droite? Bon, nous avons tout essayé pour qu'il y ait cette union dès le premier tour. Il se trouve que cette union à parité n'a pas été possible. Les Lyonnais choisiront et ce qui est sûr, c'est que le soir du premier tour, ils définiront comment nous devons être unis, puisque nous n'avons pas été capables nous-mêmes de déterminer cette parité, cette union à deux qui pourtant semblait simple. Est-ce que vous êtes ce soir un homme seul? Est-ce que le RPR est vraiment derrière vous? Est-ce que Jacques Chirac, par exemple, vous donne son appui total? Eh bien, écoutez, au même instant où j'annonçais à Lyon cette candidature, Alain Juppé, au nom du RPR et de la Commission nationale d'investiture, indiquait que le RPR avait investi la liste que j'aurais l'honneur de conduire. Si PPDA fait l'honneur d'un long direct à Michel Noir, ce n'est pas qu'un choix éditorial. Le présentateur du journal le plus regardé de France est aussi l'ami de Pierre Botton. Un ami qui lui offre régulièrement des voyages à l'autre bout du globe. À Lyon, les grands moyens sont déployés par l'équipe noire. Le gendre est fait directeur de campagne, il finance, il organise, il médiatise. On dit même que c'est à lui que Michel Noir doit sa victoire. D'ailleurs, en cette soirée du 19 mars 89, lorsque Noir descend du podium après avoir salué les supporters, il se dirige aussitôt vers Botton et Saroka, ses deux plus proches flibustiers, et clame « À eux, je dois tout ». Tout, oui, mais jusqu'à quel point ? Député, ancien ministre, maire de l'une des plus grandes villes de France, l'ascension du jeune gaulliste semble irrésistible. Certains lui promettent déjà un brillant avenir, pourquoi pas président un jour. Mais quelques semaines après son élection, la machine s'enraye. Pierre Botton claque la porte. On le disait faiseur de mer, et le voilà qui clame sur tous les toits que les promesses ne sont pas tenues. Que s'est-il donc passé sous les dorures des salons lyonnais pour que les deux hommes se tournent soudain le dos? En tout cas, c'est la fin d'une idylle pour l'édile. Les journaux brusent de rumeurs rapportées par l'entourage du nouveau maire. Il se dit que M. Gendre aurait exigé des commissions sur les marchés passés par la ville, une sorte de retour sur investissement. et la guerre est déclarée entre les deux hommes qui pourtant sont désormais membres de la même famille. Les ingrédients de ce Dallas à la française sont réunis. Le maire de Lyon trace donc sa route politique sans Pierre Botton. En 1990, celui qui a toujours revendiqué le moral irréprochable rejoint le clan des rénovateurs. Il quitte le RPR avec fracas dans le sillage de ses collègues François Léotard ou Philippe Séguin. Trois d'entre eux, dont Michel Noir, démissionnent même de leur mandat de député pour provoquer des législatives partielles. C'est donc une nouvelle campagne qui s'annonce, et cette fois, les trois candidats vont affronter des concurrents investis par le RPR. Quand Michel Noir apprend que son ancien parti a choisi son propre gendre face au concurrent qu'il soutient, lui, dans la troisième circonscription du Rhône, Jean-Michel Dubernard en l'occurrence, c'est la douche froide. Si le RPR voulait casser ses ambitions nationales, il ne s'y prendrait pas autrement, pense-t-il. Bien qu'il ne soit pas concurrent direct, un nouvel épisode va renvoyer le duo Noir-Botton face à face. Ça n'est certes pas le Watergate ni le CID, mais à Lyon, il n'est question que du cambriolage de la permanence de Pierre Botton. Car c'est aussi une affaire de famille, puisque Pierre Botton est le gendre de Michel Noir, le député-maire de Lyon, et que les policiers interrogent avec beaucoup d'insistance Bernard Sarroca, qui n'est autre que le chef de cabinet de Michel Noir. Suivez bien les explications d'Ivisard, c'est compliqué. Deux mois après le cambriolage de la permanence de Pierre Botton, candidat RPR contre son beau-père Michel Noir, l'affaire s'emballe, puisque à peine huit jours après les confessions d'un serrurier s'accusant d'être l'auteur du cambriolage, le chef de cabinet de Michel Noir se retrouve devant le juge d'instruction Jacques Amy. C'est que le serrurier, Didier Lefebvre, affirme que Bernard Sarroca est le commanditaire de l'opération. Du coup, ce qu'on pensait être une histoire de famille deviendrait un scandale politique si le chef de cabinet de Michel Noir était effectivement inculpé. Tout cela pour un cambriolage très maladroit qui aurait été imaginé par l'entourage du maire, selon certains commentaires, pour savoir ce que Pierre Botton manigançait en pleine campagne électorale contre son adversaire politique et beau-père Michel Noir. Ivisard, Radio France Lyon pour France Inter. Le cambriolage de la permanence de Pierre Botton provoque un séisme au sein de la mairie. Alors qu'il épaulait Michel Noir depuis des années, le directeur de cabinet Bernard Sarroca est contraint de démissionner. Noir, qui s'était bâti une solide réputation de pourfendeur des coups bas de la politique politicienne, voit son image sévèrement écornée. Et pourtant, l'affaire ne l'empêche pas de remporter la victoire et de reprendre son mandat de député. Pierre Botton, en revanche, échoue dans les grandes largeurs. Il ne recueille que 11% des voix. Ce sera sa seule tentative d'incursion dans la vie politique, la seule, oui, car les affaires ne vont plus tarder à le rattraper. À la télé, à la radio, vous me verrez, vous m'entendrez. Je dis le vrai, je dis le faux, vous me croirez, ça je le sais. Je me sens si bien parmi vous. C'est si bon d'être partout. Il m'a fallu pour être ici, comme dans un songe bien à l'abri. Sensible. Fabrice Drouel. Michel Noir semblait lancer sur orbite et promis un grand avenir politique à la fin des années 80. Mais les premiers épisodes de la décennie 90 font sérieusement dévier sa trajectoire. Un gendre devenu encombrant, une carrière politique qui s'enraye. Cela dit, du côté de Pierre Botton, ce n'est pas vraiment mieux. Après un échec cuisant aux législatives partielles de 91, c'est du côté des affaires que ça commence à tanguer. Celui qui offrait des billets d'avion à toutes les célébrités du PAF se voit rattrapé par une gestion calamiteuse de ses différentes sociétés. Jusque-là, tel un golden boy jamais rassasié, à la tapis effectivement, Botton rachetait des entreprises à tour de bras pour faire grandir son empire. Mais un jour de juin 92, un chef de PME lésé se met en travers de son chemin. Cet homme, c'est Gilbert Boisson. Il pensait s'assurer une retraite paisible en revendant les parts de sa PME spécialisée dans l'agencement de pharmacie de Pierre Botton, dont le business familial est tourné vers les officines, on le rappelle. Mais dans quelques mois, il déchante. Alors que son entreprise prospérait depuis 70 ans, voilà qu'elle se retrouve en dépôt de bilan. Or, le vieil homme découvre d'énormes ponctions dans les comptes de l'entreprise. Alors il porte plainte. Pierre Botton est entre autres soupçonné d'avoir fait aménager sa maison de vacances à Cannes avec l'argent d'une de ses sociétés. Enquête sur la croisade de Christophe Tortora et Georges Anselme. Pierre Botton aime le luxe. Il a acheté sur les hauteurs de Cannes cette somptueuse villa pour 11 millions de francs. 3 cuisines, 3 salles de séjour, 11 chambres à l'abri des regards. Hélène Roch est aujourd'hui en partie à l'origine de ses démêlés avec la justice. Pierre Botton aurait utilisé l'argent de l'une de ses sociétés, Boisson SA, pour payer 10 millions de francs de travaux effectués dans sa villa. Dépenses personnelles et non justifiées pour une société qui a déposé son bilan en mai dernier. Très vite, Pierre Botton trouve un arrangement avec Gilbert Boisson pour qu'il retire sa plainte. Mais il est trop tard. Le juge a déjà soulevé bien trop d'irrégularités. L'instruction est lancée. C'est le début d'une longue descente aux enfers. Frais de mission, frais de publicité, cadeaux clients, dons et pourboires, mais aussi loyer versé au groupe de Pierre Botton, toutes ces dépenses ont épuisé les finances de la PME. Ça, c'est le premier volet de l'affaire. Le second met au jour des machinations peu reluisantes. Gilbert Boisson a vendu ses parts 1 million de francs. Pierre Botton lui a versé une partie de la somme à la signature du contrat de cession, le reste étant payable chaque trimestre. Bien. Le vieil homme, confiant à la capacité de gestion de son nouvel ami, Pierre, réinjecte immédiatement les sommes versées dans Alpha Finance, une société créée par Pierre Botton. Alpha devait servir à investir dans un pool de pharmacies performantes. En réalité, cet argent a été utilisé par Botton pour acheter Boisson. Ce système conduit les enquêteurs à se pencher sur les autres sociétés du groupe. Et il y en a, Vivien et Regina, les deux PME créées par ses parents, mais aussi 4 SCI, 4 sociétés spécialisées dans l'agencement de pharmacie, et puis Botton Conseil, Botton Syndic, Botton Gestion, Télésanté, Multipharma, Logdenum Finance, 18 établissements sont recensés. Dans le lot, seule la société Regina, dont la mère de Pierre Botton est encore propriétaire, est rentable. Toutes les autres perdent de l'argent. Le système est rodé, Botton vit sur la bête, jusqu'à rendre une société exsangue, puis la faire acheter par une autre société du groupe, ou bien la met en liquidation judiciaire, pour laisser les créanciers sur le carreau. Est-ce qu'on peut vous demander, monsieur le juge, pourquoi vous avez délivré un mandat de dépôt ? Le juge Courroy a suivi les réquisitions du parquet. Mandat de dépôt pour Pierre Botton, inculpation d'abus de biens sociaux, banqueroute, faux usage de faux. Au milieu de la nuit, menottes au poignet, Pierre Botton a quitté le palais de justice pour une cellule individuelle de la maison d'arrêt. Ce matin, les avocats de Pierre Botton ont fait appel de l'ordonnance de mise en détention délivrée par le juge. C'est désormais à la chambre d'accusation de décider dans un délai de 15 jours s'il convient de le maintenir en prison. Merci. 13 novembre 1992, Pierre Botton est incarcéré. Le travail mené par les enquêteurs et le juge Courroy, en charge de l'affaire donc, a permis d'évaluer les abus de biens sociaux à 33 millions de francs. Pour l'heure, on parle d'une affaire Botton. Mais les révélations commencent à éclabousser ses proches. Le canard enchaîné, Le Monde, dévoile ainsi des factures de voyage qui compromettent des personnalités. Les journalistes Yves Morousi, François-Henri de Virieux et surtout Patrick Poivre d'Arvor. Il est celui qui a bénéficié des plus grandes largesses, au point d'être poursuivi alors que les autres sont finalement épargnés. Le juge lui reproche d'avoir accepté des voyages en Outre-mer, à Courchevel, des virées en hélicoptère ou en jet. Des largesses dont PPDA a bénéficié de la part de Botton, qui sont estimées à 949 000 francs. Avec ce système, l'homme d'affaires a fait de la vedette du petit écran son obligé. Le juge estime, concernant le journaliste, que sa notoriété, sa formation, son niveau intellectuel et les exigences déontologiques de sa profession ne pouvaient que l'amener à s'interroger sur l'origine des fonds dont il était bénéficiaire. Enfin, dans cette affaire à tiroir, les enquêteurs relèvent d'autres éléments suspects dans les comptes de Pierre Botton. Des mouvements en espèces extrêmement importants et surprenants et des circulations de fonds inattendues avec l'étranger. Les indices commencent à converger vers Michel Noir. Ses campagnes électorales n'ont-elles pas été largement financées par son gendre? Le député maire de Lyon a beau démentir tout lien financier avec Pierre Botton, il ne faut pas attendre longtemps pour que Monsieur Gendre lâche son beau-père sur la foi d'un document explosif, une reconnaissance de dette écrite de la main de Michel Noir pour le financement de la campagne des municipales. Depuis hier matin, ce document est au dossier d'instruction. C'est Pierre Botton lui-même qui l'a remis au juge Philippe Courroy. Il s'agit d'une lettre à l'en-tête de Michel Noir, écrite de sa main. Elle est datée du 12 avril 89, après son élection à la mairie de Lyon. Ce document concerne les dépenses que Pierre Botton, gendre et directeur de campagne de Michel Noir, dit avoir effectuées pour le compte de son beau-père. Ces dépenses, Pierre Botton les aurait évaluées devant le juge à 11 millions de francs. Elles ont été, dit-il, financées sur le compte de ses sociétés. Au paragraphe 2 de ce document, il est expliqué « Les dépenses seront remboursées sur les bases suivantes. Au taux de 50% pour toutes celles qui ont été passées en frais d'entreprise, pour toutes les autres, au taux de 100%. » Première surprise, il s'agit apparemment de remboursement en liquide. Au paragraphe 7, il est précisé « Le paiement des sommes dues à Pierre Botton s'effectuera sur la base de versement en espèces. » Paragraphe 5, pour son activité à temps plein au cours de la campagne électorale, Pierre Botton recevra une indemnité de 100 000 francs par mois, là aussi en espèces. Deuxième surprise, le document ne mentionne pas seulement des dépenses, mais aussi des recettes. Paragraphe 6, les recettes encaissées par Pierre Botton au lieu et place de Michel Noir représentent un total de 5 730 000 francs. D'où vient cet argent? C'est ce que Pierre Botton et son beau-père devront expliquer au juge d'instruction. Et ainsi l'affaire Botton devient l'affaire Botton Noir. Et voilà le défenseur de la morale en politique qui devient arroseur arrosé. Dans un communiqué, Noir réfute tout accord tacite et raconte cette soirée où son gendre, après la victoire des municipales, aurait débarqué chez lui avec l'intention de bénéficier d'un retour d'ascenseur. Le maire dit avoir accepté de coucher sur le papier ses exigences pour le confronter, dit-il, à l'énormité de ses revendications. La soirée se serait terminée sur un désaccord, Botton claquant la porte avec tous ses papiers, dont le fameux document. S'il n'est pas une preuve tangible, les sommes inscrites sont pourtant bien retrouvées par les enquêteurs. Et dans son élan, Botton transmet au juge Courroy un double de la comptabilité de l'association noiriste J'aime Lyon, qui ouvrira les portes vers un autre scandale. Dans l'entourage du maire, on s'inquiète de la tournure que prennent les événements. Michel Noir accuse le réseau RPR de régler ses comptes parce que son score dans les sondages dérange Jacques Chirac. Serait-il victime d'une sorte de vendetta par gendre interposé? 29 mars 1993, Michel Noir est malgré tout réélu député. Ce sera son ultime victoire face à Philippe Mérieux, candidat officiel du RPR. Mais dès le lendemain, le coup près tombe. Il est mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux. L'instruction évalue à 15 millions de francs, la somme prélevée sur les sociétés du groupe Botton dont il aurait bénéficié. Le 9 avril, après 5 mois de détention préventive, Botton est libéré, moyennant le versement d'une caution de 8 millions de francs. Et le 27 mai, les deux hommes se retrouvent dans le bureau du juge Courroy pour une confrontation. 7 heures, côte à côte, sans s'adresser une seule fois la parole. À l'ordre du jour, le protocole d'accord conclu en 89 entre Pierre Botton et Michel Noir. Écrit de la main du maire de Lyon, il évalue les dépenses engagées par Botton et leur remboursement. À l'ordre du jour ensuite, l'examen de certaines factures payées sur les fonds des sociétés Botton, des costumes de grands couturiers, des voyages aux Antilles. À la question du juge, saviez-vous d'où provenait l'argent ? Michel Noir répond, pour moi, c'était des cadeaux. Parfois, le maire de Lyon conteste certains faits, parfois, il répond d'un air détaché qu'il ne se souvient plus. C'était une confrontation qui était sans doute nécessaire, bien que il était évident qu'il ne pouvait rien en ressortir. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire à deux fortes personnalités. Il y a des gens qui affirment un certain nombre de choses et dont il était assez imaginable qu'il n'allait pas aujourd'hui, sous prétexte que c'était une confrontation, dire le contraire. Cette confrontation était la première, mais il faudra encore de longues heures de face à face afin de démêler les relations de ces deux hommes qui furent autrefois si proches mais qui sont devenus des adversaires. De longues heures de face à face, mais aussi une seconde instruction. Oui, c'est un surprenant échange d'argent liquide qui pousse le juge Courroy à déclencher ce nouveau volet de la procédure. Le 24 décembre 92, le directeur de la Lyonnaise de Banque se rend dans le bureau du maire de Lyon et récupère en personne 500 000 francs en espèces. Ce remboursement permet à Michel Noir de combler le découvert de son association J'aime Lyon. Et bis repetita quelques jours plus tard, le 30 décembre précisément. Cette fois, c'est le chef de cabinet de Michel Noir qui se rend au siège lyonnais de la BNP pour remettre 240 000 francs, histoire d'éponger l'ardoise d'une autre association noiriste. Bien, mais d'où sortent toutes ces espèces ? Michel Noir dit qu'il a tapé des amis, en réalité. Une partie pourrait provenir de comptes suisses alimentés par quelques géants de l'industrie française. L'ombre d'une nouvelle mise en examen plane sur le maire de Lyon. Le 14 octobre 1993, une information contre X est ouverte par le parquet de Lyon pour escroquerie, abus de confiance, recel et complicité. Trois associations noiristes sont au cœur de l'enquête. J'aime Lyon, J'habite Lyon et Ensemble Lyon, destinées à la fois à promouvoir l'action du maire et à récolter des fonds. C'est l'association Ensemble Lyon qui attire le plus l'attention. Elle a reçu 7 millions de francs de la part de la mairie au titre des subventions de fonctionnement. Mais en réalité, 5 millions ont servi à renflouer les caisses des autres associations noiristes. Autrement dit, ces fonds ont permis de rembourser la campagne des municipales de Michel Noir et à financer son activité politique personnelle. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Quelques chèques ont été émis du compte des associations vers le compte personnel de Michel Noir, ce que le député-maire justifie par de nécessaires remboursements de frais. Acculé, l'ex-grand espoir de la droite déclare qu'il ne démissionnera pas et se positionne comme l'innocente victime d'une accumulation de sombres complots. Dès l'instant où certains ont imaginé ce comble de l'infamie, c'est-à-dire d'adjoindre au nom de Noir que je porte les mots d'escroquerie et d'abus de confiance, qu'on n'imagine pas que je vais rester là, serein, patient, bouc émissaire, pour régler je ne sais quoi. S'agissant de l'objet essentiel, c'est-à-dire ces financements qu'on veut aller regarder de près pour la campagne de 89, vous pensez bien que mon attitude va devenir effectivement très vigoureuse. Les mois passent, l'instruction se poursuit. Michel Noir annonce sa nouvelle mise en examen le 29 mars 1994. Selon l'enquête menée par le parquet, ces associations ont bénéficié de 49 millions de francs de fonds publics détournés et de fonds privés. Le juge Courroy dira que lors des auditions, Michel Noir faisait preuve de mauvaise foi et d'insincérité. Après 22 mois d'instruction, le procès se tient en mars 1995. Michel Noir et Pierre Botton se retrouvent à la barre, aux côtés du maire de Cannes, Michel Mouillot ou encore de Patrick Poivre d'Arvor, entre autres. Tous doivent leur comparution à un système et à un homme, Pierre Botton, accusé de biens sociaux, d'abus de confiance, de banqueroute, de faux, usage de faux et de recel d'abus de biens sociaux. Si la mégalomanie était un chef d'inculpation, il faudrait l'ajouter. Car là est bel et bien le fond de l'affaire, la folie des grandeurs, les rêves de puissance d'un roturier qui se rêvait empereur, un système Botton fondé sur la fuite en avant. Très vite, les journaux estiment que le procès vire à Dallas-sur-Rhône. Michel Noir expose en effet sa vie familiale et s'engage dans ce que le journal Le Monde appelle une bataille des sentiments. Il expose les menaces que lui aurait asséné Pierre Botton de quitter sa fille s'il refusait de lui verser une commission sur les marchés publics. Il produit même, par surprise, des lettres rédigées par Anne Valérie. Des passages sont lus par son avocat. Son carnet intime est même dévoilé. Anne Valérie, qui a pris parti pour son mari, se voit exposée sans ménagement. Maître Gibault, l'un des avocats de Pierre Botton, s'indigne. Il a violé l'âme de sa fille. Sur le banc, le gendre pleure, le beau-père baisse les yeux. À l'heure du jugement rendu le 20 avril, les condamnations pleuvent. 4 ans, dont 2 fermes pour Pierre Botton, 15 mois avec sursis et 5 ans d'inéligibilité pour Noir et Mouillot, et 15 mois avec sursis pour PPDA. Tous les protagonistes font appel et se retrouvent à nouveau devant la justice, un an plus tard, à l'automne 96, et là, surprise, les peines sont plus sévères. Arrestation en salle d'audience pour Pierre Botton. La cour d'appel de Lyon condamne l'homme d'affaires à 5 ans de prison, dont 18 mois avec sursis et 2 millions de francs d'amende. Les hommes politiques Michel Noir et Michel Mouillot condamnés tous deux à 18 mois avec sursis. Enfin, 15 mois de prison avec sursis et 200 000 francs d'amende pour le journaliste de TF1 Patrick Poivre d'Arvor, dont la carrière semble de plus en plus menacée. Une carrière finalement pas du tout menacée. L'avenir le prouvera. Pierre Botton lui accepte sa peine. Mais Michel Noir, le maire de Cannes, Michel Mouillot et PPDAE vont en cassation. Leur pourvoi est rejeté en 97 et les peines de la cour d'appel sont confirmées. Et encore, pour Michel Noir, ce n'est que le début de la spirale judiciaire. Après ce premier procès Botton, c'est le procès Noir qui s'annonce en correctionnel pour sa gestion de l'argent des associations qui lui sont dédiées. L'audience se déroule en mars 96. Elle lui vaut une nouvelle condamnation à 1 an de prison avec sursis et 100 000 francs d'amende. Puis, c'est l'ex-ministre qui est visé escalité. Car est apparu, lors de la précédente instruction, le transit d'importantes sommes en espèces. Lorsque les enquêteurs consultent les comptes personnels de Michel Noir, ils remarquent effectivement un grand nombre de versements opérés entre 87 et 93. Ces sommes ne correspondent pas aux revenus des députés-maires. Ajoutez à cela qu'à l'époque, Noir n'était pas imposable. Il y a de quoi intriguer les enquêteurs en effet. Cette fois, rendez-vous est pris devant la Cour de justice de la République, car plusieurs éléments, relève le juge Courroy, pourraient avoir été commis dans l'exercice de ses responsabilités ministérielles. Pierre Botton a en effet raconté comment Michel Noir, ministre du Commerce extérieur, aidait les entreprises à se déployer à l'international en échange d'un geste financier. Autrement dit, il confie à son gendre la réception des dessous de table. 1 600 000 euros seront ainsi déposés sur des comptes suisses au bénéfice du ministre. La Cour de justice de la République estime cependant que l'implication de Michel Noir n'est pas avérée. L'affaire sera donc jugée devant le tribunal correctionnel de Lyon en 2003, 10 ans après la première mise en examen de l'homme politique. Condamné dans l'affaire des comptes suisses à 18 mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende pour abus et recel de biens sociaux, à 59 ans, l'homme se retire de la politique. Une seconde vie va donc commencer pour Michel Noir, celle d'un homme heureux en affaires qui décroche quelques années plus tard une thèse en sciences de l'éducation. Quant à son gendre, qui est toujours son gendre, l'avenir lui sourit beaucoup moins. Pierre Botton vient à nouveau d'être condamné à 5 ans de prison ferme. Le parquet lui reproche d'avoir détourné plus de la moitié des dons à son association, la bien nommée Ensemble contre la récidive. Pierre Botton, l'homme qui n'avançait pas vers la lumière pour mieux voir, mais pour briller, en prison, le voilà qui se retrouve une nouvelle fois à l'ombre. Le 2 juin 1983, 3 ou 4, la prudence m'a souri à un anniversaire. Elle était bien jolie, elle était sans mystère. Elle m'a ouvert son lit. J'ai rangé mon audace au rayon des délires, le temps d'une vie simple avec vue sur l'impasse. Le soir dans ma voiture, il m'arrive de me dire, je serais plus heureux si j'étais plein aux as. À quoi ça tient la vie qu'on mène, quand même? Sommes-nous certains d'être nous-mêmes, nous-mêmes? Le 2 juin 1983 ou 4, l'ambition m'a souri à un anniversaire. Elle y parlait d'empire en buvant du champagne. J'ai aimé cette panthère. Je l'ai suivi partout dans ses plans de campagne. J'ai baisé des sommets, j'ai bandé en concorde. Y a des hommes qui me craignent et des femmes qui me bordent. Mais je serais vraiment plus heureux planqué dans l'univers. À quoi ça tient la vie qu'on mène, quand même? Sommes-nous certains d'être nous-mêmes, nous-mêmes, nous-mêmes? Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Botton Noir, dont nous allons parler avec l'un des acteurs du récit que nous venons de vous proposer, le juge Philippe Courroy, juge d'instruction à l'époque de l'affaire Noir-Botton. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes aujourd'hui avocat général à la Cour d'appel de Paris. Alors, dans cette abondance de biens qu'a été votre carrière, vous faites partie des juges qu'on connaît, hein, vous avez traité beaucoup d'affaires, qu'est-ce qu'elle a représenté celle-là pour vous en tant que jeune magistrat? Vous aviez un peu plus de 30 ans à l'époque. D'abord pour vous, et on verra ce qu'elle a représenté pour l'ensemble des relations entre la justice, le pouvoir, mais d'abord pour vous. Écoutez, c'est une affaire que j'ai prise en 1992, quand elle m'a été ouverte. J'avais 5 ans d'ancienneté dans la fonction de juge d'instruction, et je crois que c'était une des premières affaires politico-financières de cette décennie, et même des précédentes, parce qu'il n'y en avait pas eu beaucoup. Donc incontestablement, vous vous retrouvez face à des affaires complexes, à des personnages qui sont compliqués, qui ont une certaine surface et une stature incontestable. J'allais dire qu'il faut retrousser les manches et puis y aller de manière extrêmement technique. Ouais. C'est comme ça qu'on s'en sort, technique. Oui, je crois que la véritable boussole, si vous voulez, c'est la technicité. Il faut se garder de la résonance médiatique, il faut se garder du syndrome de la montgolfière, et d'être gonflé à l'hélium. Il faut vraiment avancer pas à pas dans un terrain qui est très très miné, et sachant aussi que, mais ça c'est vrai pour ce type d'affaires et c'est vrai pour toutes les autres affaires, vous jugez, vous avez entre les mains les destins de personnes, et donc c'est ça, hein. La magistrature, on traite pas de dossiers, on traite des destins. Et puis, il y a quand même, là, vous jugez une affaire politique, donc les politiques, oui, sont par définition des gens puissants. Alors, puisque vous parliez de la montgolfière, c'est Montgolfier, justement, qui, lors d'une émission, me disait, oui, pour l'affaire Tapie-Mellic, il me disait, Tapie est entré dans mon bureau, a essayé de m'impressionner en disant, vous savez, monsieur, je viens de chez François Mitterrand. Voilà. Donc, il faut aussi ne pas se laisser impressionner comme ça. Oui, alors, je vous parlais du syndrome de la montgolfière par rapport à l'inventeur du ballon. Oui, j'entends bien. Oui, bah, bien sûr, vous retrouvez face à des gens qui, enfin, je repense évidemment à Michel Noir, qui était maire de Lyon, qui avait un parcours déjà assez dense et qui pensait qu'il était promis aux plus hautes destinées de l'État. Donc, c'est vrai que de devoir rendre des comptes dans le petit bureau d'un juge d'instruction lyonnais, c'était pour lui assez compliqué. Et donc, il faut y aller de manière très, très prudente, très technique, retranché derrière les textes. Ouais. D'ailleurs, j'avais commencé, je me souviens, ce dossier avant d'attaquer le volet politique par le volet financier, c'est-à-dire les détournements qui pouvaient être reprochés à Pierre Botton, et puis ensuite on arrivait sur les aspects politiques. Et ce qui était très intéressant dans cette affaire, et à mon avis, elle est très révélatrice de ces années 80 et début des années 90, c'est ce triangle des Bermudes entre l'entreprise, la presse et la politique, si vous voulez. Il y avait une espèce d'interaction qu'on voyait très très bien dans le dossier Botton, et votre sujet le présente admirablement bien. Et donc il y avait cette espèce d'interaction où certains journalistes, certains hommes politiques venaient se nourrir directement à l'entreprise et à ces fonds qu'ils croyaient abyssaux. Donc ça c'était avant, on verra après ce qu'il en est maintenant. On a fait le tour de la temporalité. Mais quand même, autre chose, ce côté vaudevillesque, affaire de famille, ça met mal à l'aise quand même. Et le juge, quand il se retrouve au milieu de tout ça, comment il gère ça? Écoutez, je dirais pas vaudevillesque, c'était plutôt tragique. Moi, ça m'a plutôt fait penser aux Atrides, si vous voulez. Ouais. Parce que de voir le gendre et le beau-père, qui évidemment était en conflit ouvert, et au milieu, je repensais bien sûr à cette jeune femme que j'avais reçue d'ailleurs dans mon cabinet, dont votre sujet rappelle que ont été lus les lettres et le journal intime qui nécessairement avait été soustrait par Michel Noir, c'était quelque chose d'assez tragique. C'est dur, hein. Ouais, moi je me souviens, Michel Noir avait présenté ce journal dans mon bureau pendant l'instruction, et je lui dis, mais que voulez-vous que j'en fasse? C'est quoi? Vous me le remettez, je le verse à la procédure? Non, mais prenez connaissance. Il me dit, prenez-en connaissance comme ça. Je lui dis, moi je prends pas connaissance de ça, soit vous me le remettez. Il l'a remis à l'audience. Je pense que ça a été extrêmement contre-productif. Parce que ça crée un malaise, parce que ça... Oui, de s'introduire comme ça, dans cette intimité. Je crois qu'il fallait se battre sur le fond du dossier, mais pas sur des choses comme ça. En tout cas, c'était un aspect qui était pas du tout vaudevillesque, mais qui était au contraire tragique. Oui, et tragique pour la fille de Michel Noir, qui se retrouve tiraillée entre, c'est ce qui est souvent ce qui se passe, entre les deux hommes les plus proches bien de sa sûr, vie, son père sûr. Et son mari. Mais bien c'est sûr, terrible, d'un point de vue humain. Oui, on l'imagine bien. Et son père, pour lequel elle éprouvait, je pense, une admiration légitime. Son mari, qu'elle avait choisi et qui était à un moment le meilleur ami de la famille. À l'époque, il y avait deux petites filles, je me souviens, qui étaient nées. Donc tout cela était quand même, il y avait une dimension, si vous voulez, personnelle qui était très très lourde et qui était très pénible. Donc vous voyez que derrière les chiffres, derrière l'argent, derrière les détournements, il y a évidemment beaucoup d'humains et douloureux. Il y a de l'humain écorché. Bien sûr. On se retrouve dans 2 minutes et demie, Philippe Courroy, après avoir écouté Benjamin Biolay, qui est de Lyon et qui chante Lyon Presqu'île. Lyon, presqu'île. Londres ici, ou pas loin de l'Italie, avec ceux que je chéris, chéris que j'aime. Et puis, regardez pousser le lierre, la guitare en bandoulière, même si je ne suis pas hippie, hippie, hippie chic, mais quand même. Je serai dilettante, marrant de rire, en sentant la mort en venir. Du moins j'espère, j'espère. Je serai dilettante à temps partiel, jusqu'à l'autre bout du ciel. Du moins j'espère, j'espère qu'on revoit. Courroy, on va continuer à explorer la dimension humaine de ces affaires, parce que le récit en a donné toute la dimension fédiversière, politique, on est sur l'humain. La confrontation entre les deux dans votre bureau, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous ressentez au monde? Qu'est-ce qu'on ressent? Alors, votre sujet l'a bien dit aussi, hein, c'était une confrontation entre deux personnes qui avaient des systèmes de défense extrêmement différents, et donc on progressait comme ça au fur et à mesure qu'on montrait des documents, mais il y avait, c'était chacun dans son couloir, j'allais dire, chacun dans son couloir de nage. Et vous sentiez que le dialogue était impossible? Vous avez essayé de le provoquer. Le sujet n'était pas d'essayer d'entretenir un dialogue entre les deux. Je crois qu'ils étaient déjà dans l'irrémédiable avec la justice au milieu. C'était de recueillir les positions et les versions en fonction des éléments qu'on avait dans le dossier. C'était des factures. Vous avez évoqué notamment ce fameux protocole qui avait été pris par la main de Michel Noir. Donc il était là maintenant. Ce que l'on sentait, c'était qu'il y avait une hostilité, pour ne pas dire plus, entre les deux qui était palpable. C'était palpable, et je me souviens très bien, effectivement, vous avez évoqué cette confrontation du 27 mai 1993. Oui, c'est ça. 27 mai 1993, je me souviens, on l'avait commencé à 7h du matin, elle, précisément pour éviter qu'il y ait trop de presse, elle a dû durer 7 ou 8 heures avec une demi-heure de pause, à peine, ou un quart d'heure de pause. Donc c'était une ambiance à couper au couteau. Et est-ce qu'elle était efficace? Parce que j'imagine que les confrontations ne débouchent pas toujours sur des avancées dans l'information judiciaire. Non, mais de toute façon, in abstracto, si vous voulez, ce sont des actes qu'il faut faire. C'est exigé par la procédure, c'est exigé par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, il faut faire des confrontations pour entériner les positions des uns et des autres. Il est rare que les confrontations des confrontations jaillissent la lumière. Mais enfin, c'est nécessaire. Et je pense d'ailleurs que celle-ci a permis, comme d'autres, a été nécessaire parce qu'elle permet aussi de mesurer la valeur d'un argument par rapport à un autre. Avec l'affaire Urba qui concernait les socialistes, hein, et l'affaire Noir-Botton, ce sont finalement les deux grandes affaires qui marquent, on espère, la fin d'une époque, celle des années fric. Est-ce que c'est ici que démarre la fin de l'immunité des hommes politiques? Est-ce qu'il y a un avant et après Noir-Botton? Oui, je pense. Enfin, vous avez évoqué l'affaire Urba. Oui, aussi Urba. Vous avez évoqué l'affaire Noir-Botton. On pourrait aussi évoquer l'affaire Carignan. Ce sont trois affaires, ou deux types d'affaires complètement différentes. L'affaire Urba, c'est un système de financement politique quadrillé, institutionnalisé, au niveau central d'ailleurs, au niveau d'un parti politique. PS, et c'est pour alimenter les caisses d'un parti politique, en l'occurrence le Parti Socialiste. L'affaire Noire, comme l'affaire Carignan, ce sont des affaires en fait de financement de grands féodaux, d'hommes politiques régionaux qui sont déjà bien implantés dans le paysage et qui sont appelés à un destin. On était à cette époque en période de cohabitation, on est arrivé, oui c'est ça, en période de cohabitation, 86-88, et François Mitterrand savait admirablement jouer là-dessus, et il prenait, je crois qu'il avait pris Alain Carignan lors d'un voyage à Grenoble, et il avait dit, vous verrez quand vous serez à ma place, et lors de voyages à l'étranger, il était acquis, qu'il avait dit la même chose à Michel Noir. Donc évidemment, le président de la République en titre, qui dit « vous allez être mon successeur », ça vous laisse pousser des ailes. Oui, il y a eu un avant et un après, en ce sens que je crois que jusqu'alors, si vous voulez, il y avait un très fort sentiment d'impunité. Très très fort sentiment d'impunité chez les politiques, et aussi du côté de l'opinion, parce que je pense que pendant très longtemps l'illégal toléré a été accepté, et puis là je pense que c'est devenu intolérable. Et après vous avez eu une réaction de l'opinion par rapport à ces affaires, par rapport à cette classe politique qui n'était pas aussi intègre qu'on pouvait l'attendre, et je pense que les choses ensuite ont évolué. Et puis après vous avez eu tout un arsenal législatif qui est venu réglementer le financement de la vie politique, et vous connaissez tout ça avec les lois de 95, etc. Donc je crois que ça a vraiment marqué, si vous voulez, il y a eu un avant et un après, l'avant étant, bah, comme il y a rien, on va se débrouiller. Mais c'était très hypocrite de dire ça, parce qu'en réalité, les délits d'abus de biens sociaux et de recel, ils existaient, les infractions de corruption, elles existaient. Venir dire, fallait bien qu'on se débrouille, il y avait rien du tout. Bah oui, mais ouvrez votre code pénal et vous verrez qu'il y a des interdits. Nul n'est censé ignorer la loi, surtout les hommes politiques. Exactement. Bah, ils la votent. Donc voilà, qui ont vocation à les construire, à les voter. Il la vote, donc comme tout citoyen, ils doivent évidemment l'appliquer. Carignan, ça avait frappé l'opinion. Carignan est allé en prison. Oui, alors là, on était encore dans un degré encore plus dramatique, parce que Alain Carignan était ministre 3 mois auparavant, sa mise en examen et son incarcération, et effectivement, il est allé en prison dès l'instruction, tout un tas de raisons, notamment parce qu'il y avait eu des pressions sur les témoins qui avaient été organisés et qui venaient entraver ensuite le déroulement des investigations. Alors, dernière question. Propos sincères, il faut protéger le secret d'instruction, ça fait partie de la procédure, ça fait partie de l'esprit des lois. Maintenant, il faut aussi que la justice puisse entretenir avec les médias des relations convenables, qui servent la justice. Comment on peut lier les deux phénomènes qui peuvent se télescoper, secret d'instruction et information? Écoutez, que la justice soit transparente et qu'elle se rende sous les yeux des médias, c'est tout à fait normal. C'est d'ailleurs pour ça que les audiences sont publiques. Les audiences sont publiques et évidemment la presse peut s'en faire l'écho. L'instruction, c'est une phase quand même qui est particulière dans la mesure où effectivement c'est une phase d'enquête, c'est une phase où il faut préserver l'innocence, sauvegarder la présomption d'innocence, donc tout cela est nécessaire. Maintenant, je vais vous dire, moi, je crois que quand on ouvre le journal, la télévision ou notre internet, depuis des années et des années, on s'aperçoit que le secret de l'instruction, on lui doit le respect qu'on doit aux défunts, c'est-à-dire qu'il est, en fait, il est extrêmement virtuel, et vous avez aujourd'hui des journalistes d'investigation qui vous montrent que le dossier, il est davantage chez eux que dans les prétoires. Bien, ce sera le mot de la fin avec cette formule. Philippe Courroy, merci infiniment d'être venu nous voir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Affaires Bouton Noir, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. À la technique aujourd'hui, il y avait Rémi Sestierga.